forceps. J'ai pas grandi dans le 16. La rue t'élève, te tue, j'avais pas compris le concept. Noyé dans l'océan de sang pour faire ses preuves. Tu me crois au top, c'est là que je subis les pires épreuves. J'aurais tant aimé avoir une vie tranquille. Je suis tiré par le temps, je suis porté par le vent. Tu connais le slogan, la rue c'est pas ta mère. Car si tu crèves, elle aura d'autres enfants. J'étais blasé, je marchais vers l'école, mais sans cartable. Si la PAC passait automatiquement, c'était la gardable. C'est que j'ai des remords, des nœuds dans la gorge. J'aimerais que toutes mes visions noires s'éclairent à la torche. Cassé, y'a ce miroir que j'ai remplacé. Puis mon passé, vit dans ce tiroir bien cadenassé. Pour toi, c'est que des belles paroles. T'as de belles barrettes à pic grave. Jésus de Nazareth va revenir au temps de la mitraille. Bébé, ferme les yeux, laisse-toi guider. Voilà du rap, mec. C'est que t'es l'incarnation du mal. En vrai, sans la musique, qui sait ce que j'aurais pu devenir. C'est des sauts d'eau que ma maman a dû remplir de larmes. Une toile sur un champ de bataille que j'essaie d'embellir. Dur de rayer les morts, dur de rayer les armes. J'ai souffert car tu crois que c'est Dieu qui peut me punir. J'ai croqué dans la pomme, c'était avant la femme. De la musique, toujours un insoumis. Je prends la parole, tout qui s'arrête, mon rêve, all eyes on me. Sincèrement, j'aimerais bien me casser à Chypre. Vie mouvementée, tous les 6 mois, je fais des gros titres. Y'a de la mésentente, pris pour cible, je vois pas mes enfants. Putain, quelle vie, j'aurais jamais cru devoir vivre sans eux. Je suis un très bon papa, niquez vos mères, les grosses putains. Moi, j'achète pas l'amour avec 1200 eux. Je vois mes photos bébés, dans les yeux de papa, y'avait de la lumière. Et dans ceux de ma mère, la flamme était mêlée à la passion.